إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 et on commence le dernier chapitre du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Fadl al-Islam. Et le dernier chapitre s'intitule « Babun at-tahziru min al-bida'a », c'est-à-dire un chapitre au sujet de l'avertissement contre les innovations. Et donc c'est un résumé, et dans ce chapitre, le Cheikh il a mentionné trois hadiths, et dans ces hadiths, il y a des mises en garde contre les innovations. Et à notre époque, on vit dans une période où il y a tellement d'innovations, il y a tellement de bid'ahs qui sont propagées, que beaucoup de gens ne font pas attention justement au danger des innovations. Et justement, cette semaine, j'ai reçu un email de la part d'un des individus à Montréal, pas à Montréal mais au Québec disons, qui malheureusement propagent beaucoup d'idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et qui propagent même parfois des idéologies ou des paroles des gens de bid'ah, et qui combat de manière subtile, de manière sournoise parfois, la da'wa salafiyya, et les gens qui appellent au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs. Donc il a pris un plaisir à opposer justement cette da'wa, et puis il le fait comme de manière rusée, nasallallahu al-afiyah. Et parmi les exemples de qu'est-ce qu'il fait, c'est comme par exemple qu'est-ce qu'il a envoyé cette semaine, d'envoyer un texte dans lequel il dit à propos d'un frère justement qui mettait en garde contre l'innovation. Il dit il a répondu en disant que ce frère-là faisait preuve de bid'aphobie. Donc il dit, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire pour te guérir de ta bid'aphobie. Hein? Et puis, comme si c'était quelque chose de mal de mettre en garde contre les innovations et les bid'ah. Et il dit, on veut le guérir de sa bid'aphobie pour l'amener vers la compréhension large ou l'islam large. Allahul Musta'an. Donc on voulait comprendre, on voulait essayer de savoir qu'est-ce que c'est cet islam large. Et là par la suite il cite plein d'exemples d'adoration et de choses qui font partie des adorations islamiques et des bonnes œuvres dans l'islam, sur lesquelles il conseillait le frère d'écrire ou d'envoyer des textes sur ces sujets-là plutôt que d'écrire sur la bid'a ou l'avertissement contre les gens de bid'a. Et c'est pour en fait réaliser que celui qui fait, par exemple, il appelle, par exemple, à être bon envers nos parents, ou d'être sincère dans nos paroles, ou de donner de l'argent aux pauvres. Ça, c'est des bonnes œuvres, et c'est des adorations. Il n'y a pas de doute que l'islam nous demande, justement, de respecter ces commandements-là, puis de les appliquer. Toutefois, si quelqu'un appliquerait, par exemple, ces choses-là. Par exemple, on va dire que quelqu'un il est bon envers ses parents, ou qu'il donne de l'argent aux pauvres, ou qu'il est sincère dans ses paroles, quand il dit des choses, il ment pas. Il ment pas aux gens, ou des choses de ce genre. Donc, ça c'est des bonnes œuvres, mais supposons que c'est un chrétien, et qu'il est bon envers ses parents. Est-ce que ça va le sauver de l'enfer? Et est-ce que ça va le faire entrer au paradis? Si c'est, par exemple, quelqu'un qui est sur une bid'a, comme par exemple, il est sur la bid'a des khawarij, ou sur la bid'a des Mu'tazila, ou sur la bid'a des Shia Rafida, hein, ou bien sur la bid'a des Kuburiya, qu'il adore les tombes, et qu'il fait preuve, par exemple, de bonté envers ses parents, ou des choses comme ça. Est-ce que ça, ça va l'aider, ou ça va faire que ses actions soient acceptées? S'il est sur la bid'a, donc, il faut comprendre que, de comprendre les bases de notre manhaj, de notre aqida, c'est un fondement, et que si quelqu'un n'a pas compris ces choses-là, il ne s'est pas libéré de la bid'a, ses bonnes œuvres et ses bonnes actions risquent de ne pas être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et en même temps, il y a des groupes de bid'a parmi les groupes de la, qui ont dévié de la sunna, comme les khawarij par exemple, ils étaient connus pour leurs nombreuses prières, et leur récitation du Coran durant la nuit, et leur jeûne, hein, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne, vous allez mépriser vos prières par rapport à leurs prières. Donc ils faisaient plus d'adoration que les sahaba. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient bien guidés, donc ils étaient sur le droit chemin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Donc le fait de faire des bonnes œuvres, hein, et d'appeler à ces adorations-là, c'est bien. Sauf que avant, il faut corriger notre manhaj, il faut corriger notre aqida. Et tant que notre aqida et notre manhaj n'est pas correct, eh bien ces autres bonnes actions-là risquent de ne pas être approuvées ou acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important de faire comprendre ça aux gens. Et quand vous voyez des gens qui mettent en garde, ils mettent en garde contre ceux qui mettent en garde. Et ils mettent en garde contre ceux qui avertissent les musulmans contre la bid'a. Et qui avertissent les musulmans et qui leur font comprendre l'importance de la aqida, vous les voyez mettre en garde contre eux. Donc ça, il faut savoir que ces gens-là sont des gens qui veulent égarer les gens et les tromper. Et utiliser leur ignorance des innovations pour justement les garder dans l'ignorance est dans les bid'as. Souvent, c'est des gens qui eux-mêmes sont sur des bid'as et ils veulent appeler les gens aux bid'as. Donc, ils ne veulent pas qu'on mette en garde contre leurs bid'as. Et c'est pour ça qu'ils critiquent ceux qui mettent en garde contre les bid'as. Aussi, il y a quelque chose qui se passe maintenant, c'est qu'on a vu apparaître une tendance chez certains maintenant parmi des gens qui sont à la base qui se disent salafis, c'est le fait de considérer que de mettre en garde contre des gens d'innovation ou des gens de bid'a que c'est quelque chose qui est mauvais ou que c'est quelque chose qui est pas bon. On a vu ça maintenant, certaines personnes par exemple ils vont écouter certains prêcheurs. Et puis ils vont dire, ah lui il est bien parce que il parle contre personne. Donc lui il est bien, il critique personne. En voulant dire que celui qui critique, c'est quelque chose de mal qu'est-ce qu'il fait. Et bien entendu, celui qui pense de cette manière-là, ça veut dire il n'a pas compris correctement l'importance de ce manhaj et de la compréhension justement des salaf, puisque de mettre en garde contre l'innovation, ça fait partie des fondements et des piliers de ce manhaj, ça fait partie des principes de l'islam. Et c'est très important de le comprendre. Donc s'il y a des prêcheurs ou des gens qui enseignent l'islam, que ce soit en français ou en anglais ou en d'autres langues, et qu'on les préfère parce qu'on s'imagine qu'ils ne mettent pas en garde contre les gens de bid'a, contre l'innovation, ou contre les erreurs, alors là, il y a un problème. Ça veut dire que la personne n'a pas compris son manhaj, n'a pas compris la réalité de ce manhaj. Donc, si ce sont des prêcheurs salafis, et qu'ils ne mettent pas en garde contre les innovateurs, donc il y a quelque chose qui est défaillant, une déficience dans leur manhaj. Parce que de mettre en garde contre l'innovation, ça fait partie de la nasiha. Ça fait partie du bon conseil. Et ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc s'ils voient des gens qui sont trompés par des gens qui appellent à l'égarement ou à l'erreur ou à la bid'a et qu'ils ne mettent pas en garde contre eux, il y a un problème. Il y a un problème donc. Ou bien des fois c'est parce qu'ils mettent en garde mais les gens ne sont pas au courant de ça. Et ils s'imaginent qu'ils ne parlent pas contre les innovateurs ou bien ils n'écoutent pas les cours dans les sujets dans lesquels on met en garde contre les innovateurs. Donc ça c'est juste un rappel pour commencer, Inch'Allah. Donc le cheikh il commence donc avec ce titre, il explique le titre. Cheikh Al-Fawzan, il explique le titre, l'avertissement contre les innovations. Il dit « Al-bid'a, jam'u bid'a, wa hiya ma uhditha fi d-din mimma laysa minhu, ibadatan, yani mimma laysa minhu, ibadatan, ibadatun aw zikrun aw ghayri dhalika min umur d-din. » فالدين كامل ولله الحمد لأنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويضيف إلى الدين شيئا جديدا ولو كانت نيته صالحة فلا يجوز هذا فهذا مبتدع ولو كانت نيته صالحة فالدين لا يقبل الزيادة والإضافة لأن الله أكمله اليوم أكملت لكم دينكم هذه هي البدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين كما يأتي حديث العرباد تمسكوا بهذا وعضوا عليها بالنواجذ ولما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدع فقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الواجب الاتباع وترك الإحداث والاستحسانات والتقليد الأعمال المبتدعة. Donc le cheikh il commence en disant que le mot bid'a, c'est le pluriel du mot bid'a en arabe, et c'est tout ce qui est inventé dans la religion de ce qui n'en fait pas partie, que ce soit une adoration ou un rappel, un zikr, ou bien d'autres choses parmi les choses de la religion. Donc la religion elle est complète par la grâce d'Allah et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il n'est pas décédé avant d'avoir complété la religion. C'est-à-dire Allah lui avait révélé la religion en entier. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » La religion, elle est complétée. Et ça, c'est la preuve. Donc, personne ne peut ramener quelque chose et rajouter quelque chose de nouveau à la religion, même si son intention est bonne. Donc c'est pas permis à quelqu'un de ramener quelque chose dans la religion de nouveau. S'il fait ça, alors c'est un innovateur, même si son intention était une intention bonne. La religion elle n'accepte pas qu'on ajoute ou qu'on amène quelque chose de plus dedans, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a complété. Il dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc ça c'est la définition de la bid'a. C'est ça une bid'a. C'est ce qu'on amène dans qu'est-ce qu'on invente ou qu'est-ce qu'on rajoute. Qu'est-ce qu'on amène de nouveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente quelque chose dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, alors que ça n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté. Cette chose sera rejetée. Il dit dans une autre narration, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et comme on va le mentionner dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il dit, accrochez-vous et mordez dedans avec vos molaires, c'est-à-dire mordez dans la sunna avec vos molaires. Et donc, il les incite à s'accrocher à la sunna et il leur interdit également d'innover, de faire des innovations. Alors, prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion. Car toute chose inventée est une bid'a. Et toute bid'a est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses sont les choses nouvellement inventées dans la religion. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de suivre la sunna et d'abandonner les choses qui sont inventées, les choses que les gens jugent comme étant bonnes avec leur raisonnement, avec leur opinion personnelle, avec leur jugement qui n'est pas basé sur le Coran et la sunna, et le fait de suivre aveuglément des choses qui ne sont pas qui n'ont pas de référence avec le Coran et la Sunna. Donc il y a essayé d'abandonner ces choses là et d'abandonner ces choses là qui sont des choses innovées. Donc ça c'est pour l'introduction au sujet du titre. Ensuite le cheikh il mentionne le hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Ce hadith là en principe chacun de vous devriez le mémoriser en arabe et en français, vous devriez connaître sa signification. Parce que ce hadith-là, je pense qu'on l'a mentionné depuis qu'on a commencé à faire des cours, environ peut-être 1000 fois peut-être, ou plus encore. Hein? Tellement on le cite. Même des fois, dans un seul cours, on peut le mentionner des dizaines de fois. Donc ça, c'est pour faire en sorte que ce hadith, il reste toujours gravé dans votre esprit. Hein? Et c'est une des bases de cette religion, ce hadith. C'est le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète... Ok, d'accord. Si vous êtes motivé, inshallah, recopiez ce hadith-là et essayez de le mémoriser. De le copier et de le mémoriser. Et il est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc, on l'a étudié dans les 40 hadiths. Ce hadith, c'est وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزفرت منها العيون. Mais on va le réciter à la fin alors. Parce que là, si on s'arrête maintenant, ça va prendre du temps. وجلت منها القلوب وزفرت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا. قال أوصيكم وتقوى الله أو أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Donc le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une exhortation très touchante qui fait frémir les cœurs et qui fait couler des larmes de nos yeux, qui a fait couler des larmes de nos yeux. Ils ont dit, c'est-à-dire les sahaba, ô messager d'Allah, la façon dont tu nous as fait cette exhortation, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, de quelqu'un qui va nous quitter. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille de craindre Allah, azza wa jal, et d'écouter et d'obéir à celui qui est dirigeant sur vous, même si c'est un esclave. Et sachez que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi et mordez dedans avec vos molaires, mordez dans celle-ci avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvellement inventées dans la religion, car toute invention est une bid'a dans la religion et toute bid'a est un égarement. Et ça c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Et Al-Tirmidhi a dit à propos de ce hadith qu'il est Hassanun Sahih. Ok. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith. Il dit Amar Allah Rasulahu an ya'idha an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager d'exhorter les gens. Faqala wa'idhum وقل لهم من في أنفسهم قولا بليغا. Le verset 63 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux messagers, il leur donne aux messagers de les exhorter, wa'idhum, de leur faire une maw'idha, c'est-à-dire une exhortation. Une exhortation c'est quoi? C'est d'inciter les gens à faire le bien en leur mentionnant les mérites et les récompenses d'une action et de leur faire peur de faire un péché en leur mentionnant les châtiments et les punitions qui sont reliées à ce péché-là. Donc une exhortation, c'est ça. C'est de faire peur et d'inviter les gens et de les motiver à faire le bien en leur mentionnant les menaces et les récompenses qui sont reliées soit à une bonne action ou soit à un péché. Donc, de leur faire l'exhortation. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Il dit leur en eux-mêmes une parole touchante, une parole éloquente. Et donc, il dit فَالْيَوْمْ لَوْ أَتَى أَحَدٌ لِيَعِذْ يَقُولُونَ هَذَا مُعَقِّدٌ مُتَشَائِمٌ لَا يَفْتَحُ لِلنَّاسِ الْبَسْمَةِ وَالسُّرُورُ وَالْفَرَحِ. Le cheikh dit, si quelqu'un aujourd'hui vient pour faire une exhortation aux gens, de leur faire peur, de leur parler de l'enfer, de leur parler du paradis, les gens vont dire quoi? Les gens vont dire, ah, celui-là, il vient avec des choses négatives, il est pessimiste, hein? Il vient avec des choses qui rendent les gens tristes, il vient pas avec les choses qui met le sourire, hein? Qui rend les gens heureux, qui les fait se réjouir. Hein? Comme on disait hier à propos de certains, quand ils entendent une khutbah où l'imam va parler de l'enfer et de la menace et des choses de ce genre, et les gens disent, ah, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire peur aux gens? Hein? Ils veulent pas entendre ça. Ils veulent juste entendre les choses qui vont faire rire les gens. Et souvent vous allez voir certains prêcheurs, hein, et certains qui parlent même de l'islam à la télé et tout, ils font que des blagues. On dirait que c'est des comédiens même des fois. Allah al-Musta'an. Et vous voyez les gens qui les écoutent, on dirait que c'est des comédiens. Et même il y a des groupes actuellement qui sont en train de devenir populaires dans certaines catégories de la communauté, comme par exemple chez les Ikhwan en particulier. Ils ont même des groupes de comédiens maintenant et ils organisent des spectacles, hein? Et parmi ces spectacles il y en a qui font des chansons, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font des blagues pour faire rire les gens. Des blagues reliées à la religion en plus, donc Allah musta'an, yani des fois c'est grave, et aussi des magiciens, yani, subhanallah. Hier j'étais dans une mosquée, puis j'ai vu sur l'annonce un gars avec une boule dans sa main comme s'il allait la faire disparaître ou je sais pas quoi. Donc c'est des exemples de trucs, ils font ça pour divertir les gens. Mais les exhortations, de leur parler de l'enfer, de la menace de l'enfer, des choses de ce genre, ah non, ça rend les gens tristes, il ne faut pas parler de ces choses-là. Donc le cheikh, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَالرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعِظَ أَصْحَابَهُ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَالِمِ يَعِظُ النَّاسِ فَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة يعني يعظهم يوما بعد يوم لا يداوم على الوعظ إنما يتخولهم يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله لا يداوم على ذلك فيملل الناس وإنما يتخولهم. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des exhortations pour ses compagnons. C'est-à-dire, il leur rappelait de l'enfer et du paradis pour leur faire une exhortation, pour leur faire un rappel. Et ça, c'est la preuve que, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, et donc, les savants, eux aussi, doivent faire ça avec les gens. Ils doivent leur parler de temps en temps de l'enfer et du paradis pour les réveiller, pour leur faire, réagir, pour réveiller leur foi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le faisait, mais pas tout le temps. Il leur laissait aussi des moments où il leur faisait pas d'exhortation. Donc il le laissait un jour qu'il leur faisait pas d'exhortation. Puis après il leur faisait. Donc il faisait pas ça tout le temps. Des fois il leur faisait une exhortation, puis il laissait passer un jour ou deux, puis après il leur faisait une autre exhortation pour pas que les gens commencent à trouver que, par exemple, ça devient ennuyant. Faut pas que les gens soient toujours en train de dire, ah, lui, il fait toujours des exhortations, ou bien ça devient lassant à la fin. Donc, il leur laissait un petit bout, un petit répit. Hein. C'est comme si, par exemple, si on faisait un cours tous les jours. Ou tous les jours, ou bien plusieurs fois par jour pendant la semaine. Et là, par exemple, les frères, le fait qu'on fait, par exemple, un cours ou deux par semaine, les frères sont motivés, ils reviennent, ils ont hâte parce qu'ils ont passé toute une semaine et ils n'ont pas fait de cours. Donc là, la fin de semaine arrive, ils viennent au cours, ils sont plus motivés à écouter parce qu'ils ont plus soif, ils ont envie de l'entendre. Tandis que si on le faisait tout le temps, tous les jours, peut-être que peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre les frères, peut-être ils commenceraient à trouver que c'est lourd, puis c'est lassant, puis ils seraient un peu plus, disons, un peu ennuyés de suivre. Donc ça c'est un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la sagesse, et il faisait pas tout le temps des exhortations comme ça. Donc il laissait un jour ou deux passer pour attendre, pour voir, pour leur faire profiter. Après, il dit, wa fi hadha al-hadith qala al-Urbad ibn Sariya wa 'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan baligha wajalat minha al-qulub wa zafarat minha al-'uyun. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل وبما ينقذ الناس من الشر. هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يعظ وليست موعظة يسيرة ولكنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزفرت منها العيون. وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر وقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فهموا منها أنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن حياته على وشك النهاية كأنها وصية مودع. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith de Al-Arbad ibn Sariya, le prophète صلى الله عليه وسلم il les a exhortés. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a exhortés. Et c'était pas une exhortation simple, c'était une exhortation très éloquente et très touchante, qui a fait frémir leur cœur, qui a fait couler les larmes de leurs yeux. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus savant de toutes les créatures à propos d'Allah. C'est lui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait, c'est lui qui connaît le mieux ce qui satisfait et ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui fait que les gens peuvent être écartés ou sauvés du mal. Donc c'est la plus savante des créatures. Et lui, il faisait des exhortations. Et c'est pas n'importe quelle exhortation comme on dit, c'est une exhortation touchante qui faisait trembler les cœurs, qui faisait couler les larmes de leurs yeux. Et ils ont mentionné même que c'était après Salatul Fajr. Ils ont dit, oh messager d'Allah, la façon dont tu nous as exhortés, on dirait que c'était quelqu'un qui fait ses adieux. Donc ils ont compris que c'était comme s'il leur laissait des consignes avant sa mort. Hein? Que sa vie était bientôt terminée. Et donc, comme si c'était une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. وَمِنْ عَدَةِ الْمُوَدِّعِ يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت أن يوصي أولاده أو من حوله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وزراريهم. Donc il dit que c'est l'habitude des gens lorsqu'ils meurent avant de mourir ou avant de partir en voyage qu'ils donnent une consigne à leurs enfants ou à ceux qui sont près d'eux. Comme par exemple dans Surat al-Baqarah, le verset 133, est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort est arrivée à Jacob, à Yaqub, et qu'il a dit à ses fils, hein, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Donc il leur faisait la consigne d'adorer Allah seul après sa mort et de ne pas associer avec lui. Et donc ça c'est la sunna des prophètes. C'est la sunna des prophètes, hein, qu'ils donnent des consignes à leur peuple et à leurs enfants. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله هذه كلمة جامعة لخصال الخير يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله فأتى بكلمة جامعة. Donc il dit que ici le prophète صلى الله عليه وسلم a dit comme consigne, je vous donne la consigne de craindre Allah et d'écouter et d'obéir. Donc de craindre Allah, c'est une parole générale qui implique tous les aspects du bien et toutes les différentes caractéristiques de qu'est-ce qui est bien, également de faire les choses qui sont obligatoires et d'abandonner les choses qui sont haram, qui sont interdites. Parce que c'est ça qui va nous protéger du châtiment d'Allah. Et at-taqwa, c'est ça. At-taqwa, c'est de chercher quelque chose qui va nous protéger du châtiment d'Allah. Et qu'est-ce qui nous protège du châtiment d'Allah? C'est de faire les obligations et de s'écarter des interdictions. Thumma, donc il a ramené une parole générale, puis il a dit ensuite en détail, Thumma fassala, sallallahu alayhi wa sallatu wassalam, usikum bi taqwallah, wa min taqwallah as-sam'u at-ta'ah. لولاه الامور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لولاه امور المسلمين لانه بالسمع والطاعه يحصل لهم اجتماع الكلمه وقوه الامه وتمام الامر واندفاع الشرور والفتن واقامه الحدود وانصاف المظلمين من الظلمه الى اخر المصالح التي في الولايه فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب طاعته ووجوب طاعته بالسمع والطاعة إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا عدا المعصية فيطاع فيه، أما ما عدا المعصية فيطاع فيه. Donc le cheikh il explique ensuite que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a détaillé cette ordre général de craindre Allah en mentionnant des différents éléments qui font partie de la crainte d'Allah. Donc il a dit, je vous demande de craindre Allah, et parmi les choses qui font partie de craindre Allah, il y a le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, et le fait d'écouter et d'obéir, ça fait que les gens vont être réunis, leur parole va être unie, et ça va faire que la umma va être forte. Watamamul amr, donc ça va raffermir le commandement et ça va faire en sorte que le mal et les tribulations et les tentations vont être repoussées et les problèmes vont être repoussés. Il y aura l'établissement des punitions, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis un crime, il sera puni, et que les gens qui font de l'injustice vont être jugés, et on va remettre à ceux qui ont été opprimés ou à ceux à qui on a fait de l'injustice, on va leur remettre les choses dans lesquelles ils ont été brimés ou opprimés ou des choses de ce genre, et ainsi et jusqu'à la fin de toutes les c'est-à-dire on peut énumérer beaucoup d'autres parmi les bienfaits qui viennent du fait d'avoir un dirigeant et de l'obéir et de l'écouter dans le bien. Donc ça c'est l'explication qui montre l'obligation de désigner un dirigeant et l'obligation de l'écouter et de l'obéir, et sinon à condition qu'il ne nous ordonne pas de faire un péché. S'il nous ordonne de faire un péché, dans ce cas-là on n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché-là en particulier. Le péché dans lequel il nous dit de l'obéir, on ne l'obéit pas là-dedans, mais on continue à l'obéir dans le reste de ce qu'il nous ordonne de faire. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ahmad, dans lequel il dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah fi ma'siyati Allah, amma ma 'ada al-ma'siyah fayuta'u fih. Il dit الأعداء الآن يريدون أن يضعفوا المسلمين وألا تبقى لهم ولاية ولا يبقى سمع ولا طاعة، وإنما يعني يعطون الناس الحرية بما يريدون من الشرور والشهوات، وأن يلحل الأمر فالإسلام لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالولاية، والولاية لا تقوم إلا بالسمع والطاعة، ولا بد من هذا. فالأعداء يريدون أن لا يبقى للمسلمين جماعة ولا إمامة حتى يسهل انقيادهم للعداء. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il explique que les ennemis de l'islam aujourd'hui, ils veulent raffaiblir les musulmans. Ils veulent que les musulmans restent faibles. Et ils veulent pas que les musulmans aient, des gouvernements, un gouvernement ou des pays avec des gouvernements forts qui sont stables. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les pays musulmans soient instables et qu'il n'y ait pas de stabilité, qu'il n'y ait pas d'écoute et d'obéissance dans les pays musulmans. Et ils donnent donc la liberté aux gens et ils invitent les gens à la liberté, soi-disant. Et ils veulent par ça également ramener les gens vers le mal et vers les passions, pour que les gens sortent de l'obéissance aux dirigeants. et pour qu'ils sortent du commandement. Et l'islam, dans l'islam, les choses ne peuvent pas fonctionner correctement excepté avec une jama'a, si les gens sont ensemble, réunis, qu'il y ait une unité entre eux. Et il ne peut pas y avoir de jama'a et d'union et d'unité entre eux, excepté s'il y a un dirigeant qui les réunit. Et un dirigeant ne peut pas, il ne peut pas y avoir non plus un gouvernement ou une dirigeance ou un pouvoir politique dans un pays musulman, excepté si les gens l'écoutent et l'obéissent dans le bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et les ennemis de l'islam, ils le savent. Les ennemis de l'islam, ils savent ça. Et ils ne veulent pas donc que les musulmans restent avec une jama'a. Et ils ne veulent pas que les musulmans restent avec un imam. Comme ça, lorsqu'ils n'ont pas de tête, lorsqu'ils n'ont pas de personne qui les dirige, ou que les gens cessent de les écouter et de les obéir, eh bien, ils savent que par la suite, c'est plus facile de faire en sorte que les musulmans obéissent à leurs ennemis et qu'ils se soumettent à leurs ennemis. Et c'est ça ce qui se passe surtout ici en Occident. Lorsqu'il y a des musulmans, par exemple, qui appellent les musulmans à se lire sur le Coran et sur la Sunna, et ils savent que les musulmans dans les sociétés de kufr sont divisés et qu'ils sont tous en groupe et en secte et en organisation et en tendance, ils profitent de cette division-là pour contrôler les musulmans. Donc si par exemple il y a un groupe qui appelle au Coran et à la Sunna, ils vont utiliser un autre groupe pour les opposer. Ils frappent un groupe par l'autre. Donc s'il y a un groupe qui dit aux musulmans et aux musulmanes d'appliquer un aspect de l'islam, eux ils vont prendre un autre groupe parmi les groupes de bid'a et ils vont essayer de dire: ah, regardez, ce groupe-là qui dit aux musulmans de faire telle ou telle chose, ça c'est un groupe d'extrémistes. Et il y a un autre groupe de musulmans qui, eux, ne sont pas d'accord avec ça, et ils vont le mettre en avant. Et ils vont leur donner la parole, et ils vont faire croire aux autres que ce groupe-là, c'est eux qui sont corrects. Et que les autres musulmans qui demandent aux musulmans d'appliquer ces aspects de l'islam sont des extrémistes, ou sont des gens qui sont un petit groupe minoritaire, ainsi de suite, pour essayer de diviser les gens. Donc le cheikh, il dit, « وقال » والسمع والطاعة إنما وإن تأمر عليكم عبد يعني ولي الأمر يطاع لمنصبه ولمكانته ولا ينظر إلى شخصه وهيئته وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه لا ينظر إلى أبهته ولا إلى جماله هذا من باب الحث والتأكيد فليست المسألة مسألة منظر أو أبهة المسألة مسألة منصب ومقام فلا يطاع لأجل رغبته هو أو منفعته هو وإنما يطاع لمنفعة المسلمين ومصلحة المسلمين فإنه donc le cheikh explique qu'ensuite que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, même s'il est un esclave, Ça veut dire que le dirigeant, il doit être obéi à cause de son statut, à cause de la position qu'il occupe. C'est pas à cause de lui. On regarde pas sa personne en tant que personne ou individu, ou à cause de son apparence ou de sa forme, mais on regarde le statut et la position qu'il occupe. Et c'est pour ça, et c'est ça qu'on regarde dans le fait qu'on doit l'obéir. Qu'il nous plaise ou qu'il nous plaise pas, qu'il ait un beau visage ou qu'il n'ait pas un beau visage, qu'il soit un esclave ou qu'il soit libre, hein, qu'il soit faible ou qu'il soit fort physiquement, hein, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit chinois ou qu'il soit italien ou qu'il soit espagnol ou peu importe, c'est pas ça l'important. L'important c'est que c'est un musulman et c'est lui le dirigeant. Même s'il a pas de jambes, même s'il a pas de bras, on est obligé de l'écouter et de l'obéir. Et comme le cheikh il dit, on l'écoute et on l'obéit à cause de son statut et de la position qu'il occupe. Hein? Donc on regarde à cette position et ce statut qu'il occupe. Et donc on ne regarde pas à sa beauté ou des choses de ce genre, son apparence, son look, hein, comme qu'est-ce qui se passe ici maintenant dans les sociétés occidentales, même dans d'autres pays également. Quand quelqu'un part pour les élections, quand ils font des élections, ils regardent, est-ce qu'il a une belle apparence, est-ce qu'il est beau, ainsi de suite, est-ce qu'il a une belle face, est-ce qu'il parle bien, et sinon, ils disent, ah, ben, on va pas voter pour lui. C'est pour ça que maintenant, en Amérique même, vous avez vu que certains présidents qui ont été élus, c'était des acteurs qui sont devenus des présidents. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi? Pour montrer qu'ils ont une belle apparence et tout, et ils montrent qu'ils ont un contrôle, alors que la réalité peut être tout autre. Quelqu'un peut savoir bien parler, savoir avoir une belle apparence, ça ne veut pas dire qu'il sera un meilleur dirigeant. Tandis que quelqu'un peut être le contraire de ça, et puis être un dirigeant efficace et compétent et qui établit le bien et la justice. Donc, le cheikh, il dit, c'est l'important, c'est de regarder le statut et la position, et on l'obéit à ce dirigeant-là, pas parce que c'est lui qui veut qu'on l'obéisse. On l'obéit pas à ce dirigeant-là parce que lui veut qu'on l'obéisse, ou parce que c'est son désir à lui, ou parce que c'est son bienfait à lui, ou son intérêt à lui, mais on l'obéit uniquement pour le bienfait des musulmans et pour l'intérêt des musulmans. Hein? Ensuite, il dit: فإنهما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا خبر معناه التحذير فإن من طالت حياته فسيرى اختلافا هذا في عصر الصحابة فكيف بعد تطاول الزمان فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب فالواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كلفك هذا ثمنا باهظا فاصبر. Donc le cheikh explique, hein? Il dit parce que le professeur Sam a dit, et celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences, beaucoup de divergences. Donc ça, c'est un avertissement, c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, qui a le sens de la mise en garde et de l'avertissement. C'est-à-dire celui qui aura une vie longue et qui va vivre, il va voir beaucoup de divergences. Et ça, c'est à l'époque des sahaba. Ça, c'est à l'époque des sahaba, imaginez. Donc s'il y aura des divergences parmi ceux qui vont vivre longtemps parmi les sahaba, et donc que dire de notre époque aujourd'hui, hein? Donc le cheikh, il dit: فكيف بعد تطاول الزمان؟ فكيف بعد تطاول الزمان؟ C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus. فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب. Donc à la fin des temps, il y a encore plus de divergences, plus de sectes, plus de groupes, hein? Plus de partis. Donc l'obligation à ce moment-là, c'est de s'accrocher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui nous préserve de la divergence, c'est ça qui va nous protéger de la divergence et du danger, c'est-à-dire de s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, même si ça va te coûter un prix très très cher, et que ça va être très très coûteux pour toi de le faire, alors fais-le et sois endurant. والمراد بسنتي طريقته صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم veut dire par sa sunna? Il veut dire sa voie, son chemin à lui صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لأن عملهم توطيد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لها. الشيخ الزي ensuite il a dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des successeurs bien guidés après moi, mordez dedans avec vos molaires. Donc, les successeurs bien guidés, c'est qui? Al-Khulafa al-Rashidun. Ce sont les quatre Khulafa: Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum. Ceux-là sont les successeurs bien guidés. Et ils sont des successeurs bien guidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont tous supportés là-dessus et ils ont été fermes sur la sunna. Ils ont été fermes sur la sunna même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont resté fermes dans cette période-là. Donc, on les appelle les successeurs bien guidés. Et il dit wa qawluhu 'addu 'alayha bin nawajid hadha min shiddati al-hirs. شبه الواقع في الفتن كالواقع في اللجة لا ينجو منها إلا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل فلو أن الحبل انفلت منه غرق فهو من حرصه على الحبل يعض عليه بأضراسه لا يكتفي بامتساكه بيديه بل يعض عليه بأضراسه فهذا من شدة الخطر ومن شدة الحرص على النجاة. Donc le cheikh il explique, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mordez dedans avec vos molaires, mordez dedans avec vos molaires, les dents en arrière qui sont les plus dures, les plus solides, hein, c'est pas comme les petites dents en avant, si tu mords avec, peut-être à force de tirer ça va arracher ta dent, mais les molaires elles sont bien bien solides dans tes gencives là, ça c'est bien ancré là-dedans. Si tu mords avec ça, ça y est, ça va pas se décrocher, c'est solide. Donc, mordez dedans avec vos molaires, ça c'est pour montrer à quel point tu dois faire des efforts pour t'accrocher. Et ça, ça donne aussi la compréhension, ou ça fait comparer, ou ça fait comprendre les problèmes qui vont arriver à cette période-là, qui fait que les gens doivent s'accrocher plus fermement à la vérité, comme celui par exemple qui est dans l'eau en train de se noyer et qu'on lui jette une corde, il va s'accrocher à cette corde et pour être sûr qu'il ne va pas la lâcher, il va mordre dedans avec ses molaires. Parce que s'il la tient juste avec ses mains et puis qu'en tirant la corde lui glisse des mains, il va se noyer. Mais en mordant dedans avec ses molaires, c'est sûr qu'il va rester accroché plus fermement. Donc ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous faire comprendre à quel point on doit s'accrocher à sa sunna. Et aujourd'hui, pourtant, on voit que les gens, quand on leur parle de la sunna et de s'accrocher à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'ils prennent ça à la légère, comme si c'était pas si important que ça. Tu leur dis, fais attention aux innovations, fais attention aux sectes, fais attention aux groupes, fais attention aux tendances, accroche-toi à la sunna. Ils te regardent comme si c'était la chose la plus banale que tu peux lui avoir dit, comme si c'était pas si dangereux que ça, ou comme si c'était pas si important que ça. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça juste avant sa mort, et que c'était une exhortation qu'il a donnée quelque temps avant sa mort, et qu'il l'a dit avec toute cette importance-là, et qu'il a donné cette exhortation touchante, qui a fait frémir le cœur des sahaba, et qui les a fait pleurer, donc qu'est-ce que ça peut nous faire à nous d'entendre ça, puis comme si c'était rien? Donc il y a un problème, on n'a pas bien compris le danger qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Parce que en réalité, qu'est-ce qui détruit la religion? C'est quoi? C'est les innovations. Qu'est-ce qui a détruit la religion des juifs? C'est les innovations. Qu'est-ce qui a détruit la religion des chrétiens? C'est les innovations. Et qu'est-ce qui va détruire l'islam petit à petit? C'est quoi? C'est les innovations. Donc si les gens ils se laissent aller et ils s'accrochent pas à la sunna, et que petit à petit on rentre des innovations dans l'islam et que les gens font pas attention à ça, comme c'est le cas ici à Montréal et comme c'est le cas dans d'autres villes également et dans d'autres pays également, petit à petit les gens s'éloignent. Et les groupes de bid'a qui ont réussi à s'infiltrer parmi les musulmans et à propager leurs égarements, et qu'à un moment donné même ils ont même réussi à prendre le pouvoir politique dans les pays musulmans et à imposer et à enseigner leur bid'a, et à éloigner ou à même torturer et tuer les savants de l'islam qui appelaient à la sunna, à un certain moment et à une certaine époque, tout ça c'est pour nous faire comprendre le danger de la bid'a, et à quel point c'est dangereux. Donc, le cheikh il dit « وَيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وإياكم ومحدثات الأمور فما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء فإنهم من محدثات الأمور وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أصحابه يحسنونه يقولون هذا طاعة لله وتقرب إليه فإنه لا ينفع ولا تتقرب إلى الله إنما ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع. أتتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه؟ هذا بدعة. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع. فالعمل له شرطان، الأول الإخلاص لله، والثاني العمل بالسنة وتجنب البدع. فإن كان العمل فيه الشرك فلا يقبل، وإن كان مبتدعا فلا يقبل أيضا. Donc le cheikh ici nous fait comprendre que le prophète صلى الله عليه وسلم juste après avoir dit que on doit s'accrocher à la sunna, tout de suite après qu'est-ce qu'il fait le prophète صلى الله عليه وسلم? Il nous met en garde contre les bid'ah. C'est pour nous faire comprendre que le contraire de la sunna c'est quoi? C'est la bid'ah. Et le contraire de la bid'ah c'est quoi? C'est la sunna. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, si tu leur dis hein, est-ce que tu es sunni? Il se dit oui, je suis sunni. Et tu lui demandes c'est quoi être un sunni? Il va te dire ben, tu suis la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on parle aux musulmans, on voit que par exemple, tu vois, il y a plein de groupes, des soufis. Hein, par exemple, tu vas parler avec un soufi, un musulman, il dit ouais, moi je suis soufi. Et après, il va te dire la tariqa qu'il suit. Je suis soufi, soit je suis dans la tariqa Naqshbandiya, ou bien Tijaniya, ou bien Saharwardiya, ou bien Shaziliya, ou bien Butchishiya, ou bien Muridiya, ou bien il y en a des centaines comme ça, tu peux continuer. Il y en a même des sectes encore et des Toroq Soufiya encore plus loin que ça, comme dans certains pays, Al-Isawiya, des groupes. Bon. Il y a des groupes contemporains aussi parmi les groupes. Mais là, je commençais avec les soufis. Et naam. Il veut le pétrole, hein? Allah musta'an. Donc après, c'est quoi? Après, tu vois, ça c'est seulement les soufis. Après, il y a les chi'a rafida. Avec toutes les sectes qui les composent. Les rafida, ça c'est une des sectes des chi'a. Il y a les ismaïliya. Hein? Il y a les durous, il y a les nusayriya. Il y a également les Zaydiyya. Hein. Il y en a plein d'autres encore. Et toutes ces sectes-là, elles se divisent en sectes aussi. Après, il y a les Mu'tazila. Il y a les Khawarij. Il y a les Murji'a. Il y a plein d'autres sectes. Et tous ces groupes-là, en général, tu les vois. À part les Shia, même des fois, eux aussi, ils prétendent même qu'ils sont sunnis. Et qu'ils suivent la sunna. Et les Mu'tazila, ils disent qu'ils sont sunnis. Et les Soufis, ils disent qu'ils sont sunnis. Et les Asha'ira, ils disent qu'ils sont sunnis. Et les Maturidiyya, ils disent qu'ils sont sunnis. Hein? Et donc, tous ces groupes-là, quand tu leur demandes, est-ce que t'es sunni? Ils disent, oui, je suis sunni. Ils disent, mais comment vous pouvez tous être sur la sunna? Et comment vous pouvez tous être sunnis? Alors que vous êtes tous avec des croyances contradictoires, qui s'opposent les unes les autres. Donc, soit que vous n'avez pas compris ce que ça veut dire d'être un sunni, ou soit vous n'avez pas compris ce que c'est la bid'ah, hein, un ou l'autre, ou soit vous êtes ignorant, ou soit vous êtes en train de faire semblant que vous ne savez pas et que vous savez très bien que vous êtes sur la bid'ah, mais vous voulez tromper les gens. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sunni alors que tu es sur la bid'ah. Et tous ces groupes-là sont des groupes de bid'ah, ils ont des bid'ah dans leur religion. Donc, pour que quelqu'un puisse dire qu'il est vraiment sunni, il faut qu'il ait rejeté tout ce qui est bid'ah dans sa religion. Et tout groupe, ou toute tendance, ou toute compréhension, ou toute pratique qui est bid'ah, que ce soit une bid'ah dans la croyance, une bid'ah dans la pratique, une bid'ah dans les paroles, une bid'ah dans les actions, toute bid'ah que quelqu'un fait, s'il le fait avec connaissance et qu'il persiste à le faire et qu'il est en train d'appeler les gens à le faire, alors dans ce cas-là, c'est un mubtadi', même s'il se dit sunni. Hein? Même s'il se dit sunni. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on dit salafi, pour que ce soit encore plus clair. Parce que sunni, c'est le synonyme de salafi. Et salafi, c'est le synonyme de sunni. Quand tu dis que tu es un sunni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça implique aussi le contraire, que tu rejettes toutes les bid'ahs, que tu rejettes le contraire de la sunna, c'est-à-dire que tu rejettes tout ce qui est bid'ah, tu le rejettes, et tu déclares la guerre à la bid'ah. C'est ça que ça veut dire. Et à la bid'a dans toutes ses manifestations et sous toutes ses formes. Tu n'en acceptes aucune, sans exception. C'est ça d'être un sunni. Un sunni, quand tu dis sunni, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a déclaré la guerre à la bid'a et aux gens de bid'a. Quand tu dis musulman, ça veut dire quelqu'un qui a déclaré la guerre au shirk et aux mushrikin. Il ne fait pas de shirk et il combat le shirk et il combat les mushrikin dans la croyance, dans les actions, dans tout ce qu'ils font de contraire au tawhid. Et un sunni, c'est celui qui déclare la guerre à la bid'a et à tout ce qui est inventé comme chose dans la religion. Et le salafi, c'est la même chose que sunni. Le salafi, c'est quelqu'un qui suit l'exemple des salafs. Et quand vous avez dans le hadith qu'on a lu maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Les successeurs bien guidés, c'est qui? C'est les salafs. Les sahaba, les khulafa rachidoun, c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum, c'est quatre parmi les sahaba. Et ce sont quatre parmi les salafs. Et il y a également d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est de suivre ma sunna et de suivre ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc on est obligé également de suivre pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de suivre les compagnons qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que des gens ont commencé à venir avec des choses nouvelles. Et ceux qui ont vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sahaba, ils ont montré l'attitude qu'on doit avoir envers ceux qui amènent ces nouvelles choses dans l'islam. Et ils nous ont montré la guidance à suivre, comment on agit envers ces choses-là et envers ces gens-là. Et c'est par leur exemple et par leur compréhension de ça qu'on est capable d'être bien guidé à travers ces voies-là. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont apparues après eux, on a su, comme par la suite, comment agir envers ces innovations-là, envers ces groupes-là, envers ces sectes. Et c'est ça qu'on suit comme modèle et comme exemple. C'est pas comme ceux aujourd'hui qui sont en train de nous dire, non, tout le monde sont musulmans, et toutes les sectes sont bonnes, et il faut prendre de toutes les sectes et de tous les groupes. Parce que tout le monde est musulman, on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on fait la prière, on lit le Coran. Donc on est tous musulmans, et donc on regarde pas qu'est-ce qui nous divise, on regarde qu'est-ce qui nous unit. Non. Ça c'est un mensonge et c'est une fausseté. Et c'est contraire à l'exemple des salafs. Les salafs, quand ils voyaient quelque chose qui était contraire à l'islam et au fondement de l'islam, à la sunna et au tawhid, ils le rejetaient sans pitié, hein, et sans exception. Ils le condamnaient et ils le rejetaient. Et ils se désavouaient de ceux qui le faisaient. Comme celui qui a inventé la bid'a du qadar et qui niait la prédestination, Omar ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, quand on est venu le voir pour lui dire, il y a des gens qui rejettent le qadar. Qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Omar? Il a dit, ceux-là, dis-leur que même s'ils donnaient la montagne de Uhud en sadaqa, en or, Allah ne va rien accepter de ça jusqu'à ce qu'ils ont cru en al-qadar. Il n'a pas dit, Ibn Omar n'a pas dit, ah, mais ça c'est leur opinion, dans l'islam on accepte la divergence et on a la liberté d'opinion et de croyance et chacun peut dire ce qu'il veut. Non, Ibn Omar a dit, tant qu'ils ne vont pas croire en Qadar, aucune de leurs œuvres va être acceptée. Et il a dit, dis-leur que je n'ai rien à voir avec eux. Je me désavoue complètement d'eux. Hein? C'est ça l'attitude. Et c'est ça l'exemple. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, à l'époque il était devenu aveugle, radiyallahu anhu, il a perdu la vue à la fin de sa vie. Il a dit, j'aimerais pouvoir l'attraper, en attraper un d'entre eux pour lui mordre le nez. Hein? Parce qu'il était tellement enragé avec ces gens-là, yani, parmi les gens de bid'a. Et quand il est allé discuter avec les Khawarij, il les a appelés à la sunna. Il n'a pas dit, bon, ces gens-là, c'est des gens, ils ont une opinion, on va les laisser. Avant de les combattre, il est allé les voir pour les appeler à la sunna. Parmi eux, il y en a 2000 qui sont revenus. Il y en a environ 4000 qui sont restés. Ali, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a dit, on va les laisser, c'est leur opinion. Ils ont cette opinion-là, il ne faut pas les condamner. Non, il les a combattus avec les Sahaba, ils ont fait la guerre contre eux. Ils ont exterminé jusqu'au dernier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de le faire. Donc ils ont combattu les Khawarij. Et ces Khawarij-là, c'est pas des gens qui sont en train de, par exemple, de boire de l'alcool ou de faire le zina ou d'appeler au péché. Non. Ce sont des gens qui, au contraire, sont des gens qui font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, hein, qui font de la récitation du Coran, beaucoup, beaucoup d'adoration, même c'est des extrémistes dans l'adoration, hein. Et malgré ça, les Sahaba les ont combattus. Pourquoi? Parce qu'ils appelaient à la bid'a et à l'égarement. Donc c'est pas juste de voir l'apparence, de dire, ah lui il est religieux, il est pieux, donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est la vérité. Il ordonne le bien, il interdit le mal, il fait le djihad, il appelle au djihad, il appelle à combattre. Non, s'il n'est pas sur la sunna, tout ça, ça vaut rien. Donc l'importance de comprendre la sunna et la voie des salafs pour être sauvé. Et de savoir qu'on ne peut pas comprendre l'islam mieux que les sahaba et les salafs. Hein? Donc le cheikh ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ » Donc, ça, on l'a lu, ou on l'a pas lu. Donc, on n'a pas traduit. Il a dit, donc, prenez garde aux nouvelles inventions dans la religion. Tout ce qui contredit la sunna, et la sunna des Khulafa al-Rashidin, sont des choses nouvelles. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre ces choses-là. Même si les gens qui les font considèrent que c'est quelque chose de bien. Hein, aujourd'hui, il y a des gens qui font des bid'ahs, et ils disent, ça c'est des bonnes choses qu'on fait, on fait rien de mal. C'est pas le fait de faire quelque chose de mal. C'est pas le fait de faire quelque chose, tu penses que c'est bien. C'est-à-dire, on fait rien de mal. Oui, peut-être tu penses que tu fais rien de mal, mais c'est mal puisque c'est contraire à la sunna. Ou que, puisque c'est pas ça ce que le prophète nous a enseigné. Donc il y a des gens comme ça. Tu leur dis, est-ce que tu vas faire Maghrib 4 à 4? Ils disent, non, mais ça c'est clair. Il dit, mais si ça c'est clair, pourquoi les autres bid'ahs tu les acceptes? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hier je parlais avec un frère justement, hier ou avant-hier, je lui montrais un des livres écrits par un soufi Tijani. Un livre qui, je pense, qui est imprimé au Sénégal, je sais pas quoi, ou publié au Sénégal, de la Tariqa Tijani. Hein? Et dans ce livre, celui s'appelle Les Dimensions de l'Islam, quelque chose comme ça. Mais dans ce livre-là, il y a des affaires de sihr. Des affaires de shirk, des bid'ahs, des choses de ce genre. On te dit, si tu récites telle chose, tel nombre de fois, tel jour, tu vas avoir ça, tu vas avoir telle affaire de bien. Hein? Si tu as telle maladie, tu récites ce dua pendant tel nombre de fois, tel nombre de jours, eh ben, tu vas avoir la guérison de cette maladie-là, sans aucune preuve, aucun hadith, aucun verset de Coran, aucune référence pour vérifier ou pour prouver ça. Après, les noms des anges, des noms qui ne sont même pas mentionnés dans le Coran ni dans la Sunna, et que tu mentionnes ces noms-là, soi-disant pour être protégé de la sorcellerie ou des choses comme ça, et avec des signes dedans, comme des étoiles, des ronds, des cercles, des spirales, des croix, et puis tu prends ça, hein, et puis soi-disant ça va te protéger contre les sorcelleries et des trucs de ça. Comment tu peux savoir qu'est-ce que ça signifie, ces trucs-là? Et des noms d'anges inconnus. En réalité, c'est des noms de djinns que ces gens-là invoquent pour demander la protection contre la sorcellerie. Et c'est de la sorcellerie, ça en soi-même, c'est déjà de la sorcellerie. Donc tu veux utiliser la sorcellerie pour protéger contre la sorcellerie? Tu veux faire le shirk pour te protéger du shirk? Ça, c'est déjà contraire au tawhid. C'est contraire à l'islam. Mais c'est une bid'a. Donc, ça c'est des exemples des gens qui écrivent des livres. Quand ils parlent des noms et des attributs, au tout début ils parlent des noms, ils parlent de la foi en Allah. Quand ils expliquent le nombre des attributs en lesquels on doit croire, ils mentionnent 13 seulement. Qu'est-ce qu'il y a avec tous les autres attributs qu'Allah a mentionnés dans le Coran et dans la Sunna? Pourquoi ils les mentionnent pas? Parce qu'ils enseignent la aqida selon la croyance des Asha'ira. C'est une des sectes parmi les sectes d'égarement. Et eux, ils croient qu'il y a seulement 7 attributs ou 13 attributs. On va très loin. Mais c'est pas grave. Ça vous aide quand même. Donc c'est pour dire, c'est pour vous aider. Ces gens-là, ce livre-là par exemple. Le gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la bid'a? Si tu peux accepter une petite bid'a, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de la différence, hein? Comme on dit même des fois, qui vole un œuf vole un bœuf. Hein? C'est pas la grosseur de qu'est-ce que tu voles qui fait la différence, c'est le fait de voler lui-même, n'est-ce pas? Donc, si tu fais une petite bid'a, ça veut dire que tu peux en faire une grosse aussi. Hein? Et donc, le fait d'ouvrir la porte à une bid'a et de la dénigrer, de la voir petite, non, mais ça c'est juste une petite bid'a, il n'y a pas de danger. Souvent, c'est par les petites bid'a que les grosses sont arrivées par la suite. Hein? Regardez les khawarij. Les petites bid'a qu'ils faisaient. Hein? Puis à la fin, c'est devenu une grosse bid'a. Ils se sont pensés meilleurs que les sahaba par la suite. Ils pensaient qu'ils pouvaient comprendre mieux l'islam que les sahaba. Et certains aujourd'hui, c'est ça. Ils vont aller voir les ulama de l'islam, ils vont les regarder. Surtout, j'ai vu ça chez certains jeunes, hein, ici et ailleurs dans d'autres pays, en Europe et partout. Ils regardent le comportement des ulama. Ils les regardent avec un regard critique. Pour essayer de les juger. Ah, regarde, il fait ça, il fait pas ça, il fait ça, il fait pas ça. Et après, il commence à dénigrer. Il s'imagine que lui, il fait plus que les ulama. Ah, moi, je fais ça, je fais telle sunna, je pratique tel zikr, je fais telle sunna après la prière et tout. Ah, je regardais tel alim, il faisait pas ça. Je regardais tel cheikh, il faisait pas ça. Donc, ah, ben, ça veut dire peut-être j'ai plus de ilm, j'ai plus de iman que lui. Il commence à dénigrer les ulama. Et il y en a maintenant qui font le takfir des ulama maintenant. Donc ça commence des petites choses, ça devient des grandes. Petit à petit. Hein? Donc le cheikh, il dit, si tu veux te rapprocher, tu penses que tu veux te rapprocher à Allah avec des innovations, tu dis ça c'est une obéissance. C'est quelque chose qui rapproche à Allah. Hein? Il dit, sache que ça c'est des choses qui ne profitent pas. Et qui ne rapprochent pas à Allah. Parce que tu ne peux te rapprocher à Allah que par ce qu'il a légiféré. Hein? Tu ne peux te rapprocher à Allah que par ce qu'il a légiféré. Est-ce que tu peux te rapprocher à Allah par quelque chose qu'il n'a pas ordonné, qu'il n'a pas enseigné ou mentionné dans sa révélation? Non. Donc il y a deux conditions pour que ton action soit valable. La première condition, c'est qu'il soit fait sur al-ikhlas. C'est-à-dire que ton intention et ton adoration doit être pure et sincère pour Allah seul. Et que tu dois le faire uniquement pour Allah. Et deuxième condition, que ça doit être en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et que tu t'écartes de la bid'a. Donc celui qui fait une action dans laquelle il y a du shirk, cette action-là ne sera pas valable, et celui qui fait une action dans laquelle il y a une bid'a, ce ne sera pas valable non plus. Le cheikh dit ensuite, فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة هذا فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. Il y a parmi les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils retournent, par exemple, ils écrivent des livres dans lesquels ils disent qu'il y a des innovations qui sont bonnes. Et ils vont ramener des paroles des ulama pour essayer de justifier et de défendre cette idée-là. Parmi les paroles qu'ils vont mentionner, certains de ces ulama sont des ulama de la sunna, des ulama qui sont connus, qui ont mentionné des paroles qui pourraient faire croire qu'ils ont divisé la sunna en deux catégories. Donc ils se basent sur ces paroles-là pour dire aux gens, ah regardez, il y a des ulama de la sunna qui ont mentionné qu'il y a des bonnes bid'a et qu'il y a des mauvaises bid'a. Et donc, ils mentionnent ça aux gens pour leur jeter une shubha, pour que les gens disent par la suite, ah, mais oui, mais il y a des savants qui ont dit ça. Hein? Donc là, il faut comprendre que si une parole, quand on la lit, et que c'est la parole d'un savant qui est connu comme étant un savant qui est sur la sunna, et qu'on voit que dans cette parole, il y a une contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la sunna, il faut savoir tout le temps que qu'est-ce qui a priorité et qu'est-ce qui a précédence? C'est la parole du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe le niveau ou le degré ou l'importance de ce savant dans l'islam, si on voit que la parole de ce savant vient en contradiction avec le Coran ou avec le hadith, on prend cette parole et on la laisse. et on garde qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on regarde, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver une interprétation correcte à la parole de ce savant qui est sur la Sunna. Hein, si c'est possible, on le fait. Et quand on voit, par exemple, les paroles qui ont été mentionnées justement par certains qui citent l'imam Shafi'i, hein, rahimahullah, qui explique que la bid'a est de deux catégories et qui mentionne qu'il y a la bid'a qui est en accord avec le Coran et la Sunna et les fondements de l'islam et une bid'a qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, eh bien il faut retourner au Coran et la Sunna pour comprendre qu'est-ce que ça peut signifier ces choses-là. Et les ulama ont expliqué que quand ils parlent de la Sunna qui est en accord avec le Coran et la Sunna, de la bid'a qui est en accord avec le Coran et la Sunna, il ne parle pas de la bid'a dans la religion. Il parle de la bid'a dans son sens linguistique, c'est-à-dire quelque chose qui est innové, quelque chose qui est nouveau, mais ce n'est pas quelque chose qui est religieux. Ça ne fait pas partie des adorations ou des croyances ou des pratiques islamiques. C'est quelque chose qui a rapport avec la dunya. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'innovations technologiques. Ces choses-là sont des innovations. Mais est-ce que ce sont des choses interdites dans la religion? Non. Parce que ce sont des moyens technologiques modernes qui ont été inventés et qui sont bénéfiques et qui ne sont pas en contradiction avec la charia de l'islam. Donc ces choses-là sont permises. Et on peut dire, au sens linguistique du terme, que ce sont des innovations qui sont bonnes. Comme les avions, les ordinateurs, les voitures. C'est des choses, c'est des innovations, mais des innovations technologiques, linguistiques. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que celui qui invente dans notre affaire quelque chose qui n'en fait pas partie, notre affaire c'est quoi? C'est la religion. Il ne parle pas de la technologie, il ne parle pas des autres choses de ce genre qui n'ont rien à voir avec la religion. Il parle des choses qui sont dans l'islam, dans l'adoration, dans qu'est-ce qui nous rapproche d'Allah. Si tu inventes dans ça, ça c'est interdit parce que c'est haram, c'est une bid'a religieuse. Ça c'est contraire à l'islam. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre la parole de l'imam Al-Shafi'i, c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a dit ni'matul bid'a hadihi, quand il a vu les gens pendant le ramadan après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier séparés dans la mosquée durant le ramadan. Il les a tous pris ensemble, il les a mis derrière un seul imam dans la mosquée. Il leur a dit, vous allez prier derrière l'imam, tous ensemble, pas différentes personnes qui prient séparément, ou des petits groupes qui prient derrière un imam, tous séparés dans la mosquée. Non, tout le monde derrière un seul imam. Et quand il a fini de faire ça, les gens ont commencé à le faire, il a dit, ni'matul bid'a hadihi, quelle belle bid'a que celle-ci, quelle belle innovation que celle-ci. Les ulama ont dit, ça c'était pas une bid'a dans la religion. Pourquoi? Parce que les gens le faisaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait lui-même à l'époque avec ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant trois nuits, il a prié la prière de Tarawih dans le ramadan, dans sa mosquée, avec les sahaba. La troisième nuit, ou la quatrième nuit, les gens se sont tous réunis dans la mosquée et voulaient le faire encore une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté chez lui. Les sahaba sont restés à attendre. Et il n'est pas sorti pour les rejoindre. Le lendemain, pour la prière de Fajr, il est sorti pour la prière. Et après la prière, il leur a dit, je sais que certains d'entre vous, vous attendiez que je sorte pour faire la prière de la nuit avec vous. Mais j'ai eu peur que cette chose-là devienne obligatoire pour vous, alors je ne l'ai pas fait. Et donc les gens ont cessé de le faire jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au khilafah de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Pendant son khilafah, les gens ne l'ont pas fait non plus. Jusqu'à le khilafah de Omar ibn al-Khattab. Et là, à partir de ce moment-là, Omar a vu ça, il les a réunis dans la mosquée derrière un seul imam, il a dit, maintenant vous allez prier derrière un seul imam, durant le ramadan, vous allez faire ça comme ça. Parce que la crainte pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cessé de le faire, c'est-à-dire la crainte qu'un verset de Coran soit révélé qui rend cette pratique obligatoire, maintenant c'est terminé puisque la révélation est finie. La révélation du Coran est complète. Donc on n'a plus besoin d'avoir peur que ça devienne obligatoire. Donc Omar ibn al-Khattab maintenant il dit, il a dit maintenant vous allez faire ça. Et quand il a vu ça, il s'est réjoui et il a dit ni'matul bid'a hadhihi. Quelle belle innovation que celle-ci, dans le sens linguistique, hein, dans le sens que les gens vont voir ça, ils vont penser que c'est une innovation, mais ce n'est pas une innovation puisque ça fait partie de l'islam. Mais puisque les gens ne l'ont pas fait depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ça donne l'impression que c'est une innovation, mais ce n'est pas une innovation puisqu'il y a une origine, il y a une base à cette pratique dans le Coran et dans la Sunna. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les choubouhats des gens de bid'a qui vont vous lancer ce genre de paroles parfois pour vous dire, ah regardez, il y a des bonnes bid'a, regardez le tarawih, regardez le fait que le Coran est réuni dans un seul livre, ou le fait qu'aujourd'hui on grave le Coran sur un CD, ou bien le fait que par exemple on va avoir des écoles où on enseigne le Coran, ou des choses de ce genre. Toutes ces choses-là, ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais ça a une base, ça a une référence dans le Coran et dans la Sunna et dans l'exemple de ce que les sahaba ont fait par la suite. Donc ce ne sont pas des innovations. D'accord? Et eux, ils essaient de jeter ces exemples-là aux gens pour essayer de justifier d'autres pratiques. Et si on ouvrait cette porte aux gens pour leur dire que oui, il y a des bonnes et il y a des mauvaises innovations. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On ouvre la porte par la suite à toute innovation et on ne peut plus la fermer après. Puisque quelqu'un va venir avec quelque chose, il va juger que selon lui, c'est une bonne innovation. Sur quoi tu vas te baser pour lui faire croire ou pour lui faire comprendre que c'est une mauvaise innovation? Et des fois même entre les gens de bid'a, entre eux, ils sont pas d'accord. Certains d'entre eux disent ça c'est une bonne bid'a, d'autres disent non c'est pas une bonne bid'a, c'est une mauvaise. Hein? Alors sur quoi ils vont se baser pour distinguer ou pour juger entre eux? Ils se basent uniquement sur leur raison. Et la raison c'est pas une référence dans la charia de l'islam. C'est pas une référence pour distinguer qu'est-ce qui est relié avec l'adoration. Et pour savoir qu'est-ce qui est halal ou haram ou des choses de ce genre. Hein? Ou pour les croyances ou les choses de ce genre. Donc, ça c'est important de le comprendre. Donc, le professeur Sam il a dit, le professeur Sam a dit, toute innovation, toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a. Et toute bid'a est un égarement. Et donc, il y a la réponse ici à ceux qui distinguent ou qui divisent la bid'a en bonne bid'a et mauvaise bid'a. Hein? Et ils disent parfois même le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait dans l'islam une bonne action, une bonne sunna. Donc, ils essaient de dire, bon, s'il y a des bonnes sunna, donc il y a des bonnes bid'a. Et ça, c'est une mauvaise compréhension du hadith. On l'a expliqué, ce hadith-là, on l'a lu au complet. Et on a expliqué c'était quoi la bonne sunna dont il parlait. La bonne sunna, c'était l'homme qui s'est élevé et qui avait donné un gros sac d'or en sadaqa pour les pauvres. Et après lui, tout le monde s'est levé pour donner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après ça, il a dit, bon, celui qui fait une bonne action, une bonne sunna, il aura la récompense de cette bonne action et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi après lui sans que ça ne diminue rien de leurs bonnes œuvres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une bonne action qui fait partie de la charia dans l'islam, tu vas avoir la récompense et la récompense de ceux qui t'ont suivi. Et si tu fais une mauvaise sunna, une mauvaise action, et tu auras le péché de l'avoir fait et le péché de tous ceux qui t'ont suivi dans ce péché-là ou dans cette bid'a. Ça inclut la mauvaise action, ça inclut également la bid'a. Donc si tu as inventé quelque chose dans la religion ou tu as fait une bid'a et que à cause de toi les gens l'ont fait après toi parce qu'ils t'ont vu la faire, tu auras le péché de l'avoir fait et de tous ceux qui t'ont suivi dans cette innovation-là. Donc il n'y a pas de preuve pour eux dans ce hadith-là puisque le sahabi en question qui a fait la bonne action, il n'avait pas fait une chose qui était innovation, il a fait une chose qui était parmi les règles de l'islam et les ordres de l'islam et les bonnes choses qui font partie de l'islam. Donc j'espère que vous avez bien compris comment répondre aux gens qui vont essayer de dire qu'il y a des bid'ahs qui sont bonnes et des bid'ahs qui sont mauvaises et qui vont vous lancer des ambiguïtés et des doutes pour essayer de mettre des doutes dans vos esprits, pour essayer de vous faire croire qu'il y a des bonnes bid'a. Vas-y, Issa. Ouais, c'est ça. Donc, souvent, ils font ça, ils mélangent. Et comme la question d'utiliser les chapelets, des choses de ce genre, ça, c'est un autre exemple de bid'a. Ok, et de comparer ça avec un Coran qu'on grave sur un CD, c'est pas une comparaison correcte. Même si certains ulama ont accepté ça, ont dit que c'était pas que c'était acceptable. Parfois, vous allez voir que certaines bid'a, certains ulama ont divergé entre eux. Certains ulama ont dit oui c'est une bid'a, d'autres ont dit non c'est pas une bid'a. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que, hein? On le ramène au Coran et à la Sunna pour vérifier. Et c'était quoi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le zikr? Est-ce qu'il utilisait un chapelet ou non? Il n'utilisait pas de chapelet. Hein? Il utilisait ses doigts. Donc ça, c'est la meilleure façon de le faire. D'accord? Et donc, la meilleure guidance, c'est la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme on dit dans la khutbatul hajja, à chaque fois qu'on commence le dars, une khutba et tout, on dit wa khayrul kalam kalamullah wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y en a qui, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se basent sur des définitions que certains savants ont données et des paroles de certains savants qui ont divisé la bid'a en bonne et en mauvaise. Est-ce que ces paroles de ces savants-là sont des preuves? Non, puisque la base pour nous, c'est le Coran et la Sunna. Donc, même si tu nous arrives avec une liste d'une centaine de savants qui ont divisé la bid'a en 5 catégories ou en 2 catégories, pour dire qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, il y en a même parmi eux qui ont divisé la bid'a en halal, en wajib, makro. Yani mustahab, muharram et yani mubah. Ils ont divisé les bid'a en 5 catégories, en degrés. Et quand tu regardes clairement les divisions qu'ils ont faites, tu vois que en réalité, la seule parmi ces catégories-là qui rentre dans la signification de la bid'a qui est interdite dans l'islam, c'est la bid'a des choses, des gens. La bid'a des choses qu'on a inventées dans la religion et que des gens ont inventées pour se rapprocher à Allah, soit dans les croyances, dans les pratiques, ou dans les paroles, ou dans les actions. Donc, c'est la bid'a qui est haram. Mais celle qui est mubah, ou yani mustahab, ou makruh, ou des choses comme ça, yani tu vois que ça ne fait pas partie des bid'a dans la religion, ça fait partie des bid'a dans la dunya. D'accord? Des innovations dans la dunya. Et donc, eux, ils jouent avec ces paroles-là. Et souvent, quand tu regardes les gens qui ont ramené ces innovations, cette division-là des innovations, c'était eux-mêmes des innovateurs. C'était eux-mêmes des gens qui faisaient partie d'une secte. Et étant donné que ils ont remarqué que les sahaba n'ont jamais cru en ce qu'ils ont cru eux, et n'ont jamais pratiqué ce qu'ils ont pratiqué eux-mêmes, ils sont obligés d'essayer de dire qu'il y a des bonnes bid'as et des mauvaises bid'as, puisque s'ils ne font pas ça, ils n'arriveront pas à justifier les choses qu'ils sont en train de pratiquer ou d'enseigner qui ne sont pas présentes dans le Coran et dans la Sunna. Donc, pour essayer de justifier leur situation et de rendre leur bid'as acceptable, ils sont obligés de faire croire aux gens que parmi les innovations, il y en a qui sont bonnes pour faire en sorte que les gens les acceptent. Hein? Donc, par exemple, quelqu'un qui est Ash'ari, ou Maturidi, ou Soufi, hein? Si tu lui demandes, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes étaient Ash'ari? Ils vont dire non. La preuve qu'ils n'étaient pas Ash'ari, parce que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il est né en quelle année? Hein? En quelle année il est né? Abu al-Hasan al-Ash'ari, celui à qui on attribue la secte des Ash'ari, en quelle année il est né? Hassan est dit 100 ans après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit mieux? 150 à 200. Est-ce que quelqu'un dit mieux? Je vous donne un indice, il ne fait pas partie de, des trois premières générations. Non. Non. Avant Ibn Taymiyyah. Ouais. Il est né en 260. Ok? Certains disent 270. Il y a une divergence. Et pendant. Il était dans la secte des Mu'tazila pendant 40 ans de sa vie. Pendant 40 ans de sa vie, il était dans la secte des Mu'tazila. C'est-à-dire, ça veut dire que s'il est né en 260, en quelle année il a quitté la secte des Mu'tazila? En l'an 300. Donc jusqu'à l'an 300, la secte des Asha'ira n'existait pas encore. Ou l'origine de cette croyance n'existait pas encore, disons. Il y en a par rapport à Abul Hassan al-Ash'ari. Puis, il est mort en 300, si je me souviens bien, 330, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais c'est pour dire qu'il a vécu plusieurs années encore après. Il a été dans une période intermédiaire. À la fin de sa vie, on dit qu'il est revenu à l'aqida de l'imam Ahmad. Avant de mourir, il a écrit deux livres pour réfuter les choses qu'il a inventées auparavant. Ok? Donc ça c'est pour dire qu'il est passé par plusieurs étapes. Et à la fin de sa vie, il est revenu à la sunna. Mais malgré ça, il y a des ulama qui ont expliqué que même s'il est revenu sur plusieurs des erreurs qu'il avait, il a encore gardé certaines des innovations qu'il avait auparavant dans ses livres. Mais il est revenu sur la plupart des innovations qu'il avait. Donc c'est pour dire que si quelqu'un il est Ash'ari et qu'il prétend suivre l'imam Abul Hassan al-Ash'ari dans la Aqida, eh bien c'est certain que si on lui demande est-ce que les Sahaba étaient sur cette Aqida-là, il ne pourra pas dire oui, puisqu'il est né presque 300 ans après les Sahaba. Donc il est obligé d'essayer de dire qu'il y a des innovations qui sont bonnes. Nous, on dit, notre aqidah, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et qu'est-ce que les Sahaba ont pratiqué et ont cru. C'est ça la vraie aqidah, c'est ça la aqidah des salafs. Si quelqu'un nous amène quelque chose qu'eux, ils n'ont jamais connu, on les dit ça, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Donc, tous ceux qui ont ramené de la philosophie dans leurs croyances, des idéologies, qui sont venus des chrétiens ou des juifs ou des hindous ou des bouddhistes, ils ont ramené ça dans l'islam. Après la mort des sahaba, après la mort des tabi'in, ils ramènent ces choses-là dans l'islam. On lui dit non, on n'accepte pas ces affaires-là. Et ça, c'est des bid'ahs, c'est des innovations. Eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent non, mais il y a des bonnes innovations. Ce n'est pas toutes les innovations qui sont mauvaises, il y a des bonnes innovations aussi. Hein? Et on leur répond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cette distinction-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans ce hadith, « Kullu bid'atin dalala »« Kullu bid'atin dalala » Toutes les innovations sont des égarements, sans exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Certaines innovations sont bonnes, puis d'autres sont pas bonnes. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Toutes les innovations sont pas bonnes. » Si quelqu'un prétend que ce n'est pas toutes les innovations qui ne sont pas bonnes, que y a toutes les bid'ahs ne sont pas bonnes, excepté une, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six. Il faut qu'il ait une preuve du Coran et de la Sunna pour dire ça. Comme par exemple, toutes les bid'ahs ne sont pas bonnes, excepté celle-ci. Et j'ai la preuve, voici le Coran, un verset dans le Coran, ou un hadith qui dit que celle-là, elle est permise. Où est-ce qu'elle est leur preuve pour restreindre cette parole qui est générale et qui est sans restriction, qui est générale à toutes les bid'ahs? Il n'y en a pas de d'exception. Donc, ça c'est la preuve que toutes les innovations sont des égarements. Naam. Abul Hassan al-Ash'ari. Ouais. Et il a promu son propre groupe. Ouais. Il est venu à Sharia. Ouais. C'est deux groupes de bidas, ok? Ouais. C'est quoi la différence des bidas entre les deux? Et non. Donc on va s'arrêter. Alaykoum salam. On va s'arrêter ici, puis parce que déjà ça fait, on a dépassé le temps. On va s'arrêter ici, puis on continue le cours prochain. Mais vous pouvez continuer. On peut. Ah oui, il reste juste un paragraphe. Il dit Naqulu لم يقول صلى الله عليه وسلم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة حتى تقول هناك بدعة حسنة. معنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها، لأن سبب الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدى به الناس وقدموا صدقاتهم صدقاتهم والصدقة سنة وليست بدعة، فيقتدون به إذا عمل بالسنة، وله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا فيه الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس. Donc c'est exactement ce que j'ai expliqué en fait, c'est que à propos du hadith, celui qui fait une bonne action dans l'islam. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas dit celui qui fait une bid'a hasana, il a dit celui qui fait une bonne sunna. Une bonne sunna, ça signifie quoi? Ça signifie celui qui agit selon la sunna, alors que les gens l'ont abandonné. Et on a vu que la cause du hadith, c'était celui qui s'est précipité à donner une sadaqa. On va dire que aujourd'hui, là, on va prier le maghreb. Puis après la prière, l'imam, il va se tourner vers nous. Il va dire, écoutez, mes frères, il y a un homme qui est très très mal pris. Il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de manger, il n'a rien. Il a besoin d'argent, il faut lui donner. Personne ne bouge, personne ne fait rien. Mais il y en a un frère qui se lève, il sort son portefeuille, il prend tout ce qu'il y a dedans, on va dire 1 000 $, il le prend, il le met devant l'imam. Après, tout le monde se lève, un par un, ouvre son portefeuille, il prend l'argent. Ils commencent à mettre tous un par un l'argent devant l'imam. Celui qui a fait cette première action de sortir son portefeuille et mettre l'argent devant l'imam, lui, il a la bonne action de l'avoir fait, et il a la bonne action de tous les autres qui sont venus après lui, parce que c'est lui qui a été le premier à le faire et c'est lui qui a donné le bon exemple. Donc à cause de lui, les autres ont donné, alors il aura la meilleure action. Et ça nous incite à se précipiter, à faire la compétition dans les bonnes œuvres et à être toujours essayer d'être le premier à faire le bien, pour que on ait la récompense de tous ceux qui viennent après nous. Donc c'est ça le but du hadith. C'est pas de dire aux gens faites des bid'ahs, Au contraire, c'est le hadith, c'est de dire faites les choses qui sont en accord avec la sunna, d'accord? Barakallahu fik. Ça, c'est une parole des salafs. Il y a des salafs qui ont dit ça. Celui qui pratique la sunna, qui se limite uniquement à pratiquer la sunna, il n'a pas le temps de faire des bid'ahs. Parce que déjà, plein de sunna, on n'est même pas capable de les pratiquer, ou on n'a pas le temps de les pratiquer. On les néglige. Il y en a tellement, on n'est pas capable de toutes les appliquer. Comment on peut se permettre de pratiquer des innovations? Est-ce qu'on a le temps de faire des innovations? Alors qu'on n'a même pas fini de pratiquer la sunna. Donc ça, c'est pas logique, yani. C'est comme Allah musta'an. C'est comme s'il gaspille, en fait. Gaspille la sunna. Donc tu voulais dire quelque chose, Akhi? Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.